France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun, notre invité Anthony Bélanger. Bonjour. Bonjour, Fabrice. J'allais dire, faites comme chez vous. Les auditeurs de France Inter vous connaissent. Hein, les leftos peuvent entendre vos histoires du monde à 7h-10, également aux Inrock et sur BFM. C'est bien cela? Oui, c'est ça, depuis quelques mois. Oui. Bon, commençons donc par l'histoire du jour. Nous l'avons vu durant ce récit, dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les Anglais sont ambigus hein, sur leurs intérêts et leurs motivations pour participer à la construction d'une union politique européenne. Comment expliquer que finalement la Grande-Bretagne pose et finit par poser sa candidature et dise à l'Europe on veut venir et tente de rattraper le train en marche? Non, c'est la Grande-Bretagne de 1973, une Grande-Bretagne très malade. C'est l'homme malade de l'Europe. C'est un pays qui est sorti de absolument rincé, on peut le dire comme ça, ruiné en tout cas de la Seconde Guerre mondiale, et qui a moins profité que les autres de la reprise économique. Et surtout qui est un pays qui est extrêmement ankylosé économiquement. Donc il voit à ses frontières se bâtir une union économique, hein, une communauté économique européenne. Qui dit son nom, hein, économique là pour le coup. Exactement, alors qui effectivement aspire à la prospérité, et en plus ça marche. C'est-à-dire qu'on voit que dans les 20 premières années de la reconstruction, eh bien la France et l'Allemagne croient d'une manière absolument ahurissante. L'Italie aussi, d'ailleurs on l'oublie, mais le nord de l'Italie opère aussi un rattrapage absolument incroyable. Autrement dit, plutôt aux yeux des Britanniques, ce sont les perdants de la Seconde Guerre mondiale qui tout à coup se mettent à s'enrichir. Donc il y a depuis le début, vis-à-vis de l'Union européenne, de la communauté européenne, à l'époque, un regard britannique assez condescendant, parce que c'est vraiment l'union des perdants. Alors, la France n'est fait pas partie des perdants dans l'affaire, mais tout de même, pour les Britanniques, qui n'ont pas oublié qu'en 1940, ils ont dû fuir devant l'armistice français, vous savez, au moment de la fuite de Dunkerque, enfin, en tout cas, de la retraite de Dunkerque, et que pendant plusieurs années, ils ont combattu seuls face à l'horreur nazie. Donc pour eux, cette Union européenne, tout de même qui ne se fait pas selon leurs termes, est d'abord et avant tout une union de perdants. Sauf que les perdants unis peuvent devenir les gagnants. Et là, ils veulent faire partie des gagnants, c'est ça? C'est compliqué, ça l'a toujours été. C'est-à-dire que grosso modo, la Grande-Bretagne croit moins que les autres, se sort moins bien de la Seconde Guerre mondiale, abandonne très tard, par exemple, le rationnement. Oublier que les Britanniques, on a encore des tickets de rationnement en Grande-Bretagne jusque dans les années 50, et loin dans les années 50. C'est un pays qui est très sclérosé, ce qui est un pays qui est aux mains des syndicats, qui est un pays qui est très... On dit de la Grande-Bretagne dans les années 70, par exemple, qu'elle est plus communisée, enfin en tout cas qu'elle est presque plus communiste que la RDA. C'est vrai que l'économie britannique est très socialisée à l'époque. Beaucoup de secteurs sont entre les mains de l'État. Et donc vous avez une communauté européenne qui croît et une Grande-Bretagne qui stagne. Et donc c'est presque... en se forçant la main, qu'en 73, un premier ministre conservateur, Edward Heath, eh bien, décide de forcer un peu le destin et d'entrer dans l'Union européenne. Et qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, même si c'est l'Union des perdants, vaut mieux être dedans que dehors. Bah, il se dit, pragmatique, quoi, tout bêtement. C'est tout à fait pragmatique, comme toutes les décisions que prend la Grande-Bretagne depuis toujours. C'est, nous ne sommes pas capables de nous réformer rapidement de l'intérieur, nous allons essayer de faire en sorte que ce soit l'extérieur qui nous force aux réformes. Là, c'est toujours ce qu'on dit de l'Europe, c'est pas de notre faute, c'est l'Europe qui nous oblige à... Ah, c'est l'Europe qui nous oblige à rentrer dans la mondialisation, c'est l'Europe qui nous oblige à ouvrir nos marchés, c'est l'Europe qui nous oblige à abandonner les quotas laitiers. Et puis c'est une manière aussi de faire passer des réformes compliquées. Eh bien les Britanniques se disent exactement ça en 1971 et 1973. Donc ça c'est vu du côté britannique, vu du côté français maintenant. Pourquoi cette réticence? Et encore, le mot est faible. Hein, ah bah oui, deux fois non de la part de Gaulle. Pourquoi? Alors, De Gaulle a des raisons personnelles et historiques de dire non. Personnelles d'abord parce qu'il n'a pas beaucoup aimé la manière dont les Britanniques ont traité justement quand il était à Londres. Ensuite, parce qu'il a une vision de la France qui est quand même à la fois très anglophile, mais très aussi se méfiant aussi de l'Empire britannique. Le rival de la France pendant quand même toute une grande partie du 19e et la première partie du 20e siècle, qui est la partie qui concerne De Gaulle. C'est la partie où il était jeune, où il a commencé à penser, où il a commencé à agir et à devenir l'homme qu'il sera ensuite. Eh bien, l'Angleterre est la puissance dominatrice. Donc, il n'est pas peu mécontent, après avoir dû avaler pas mal de couleuvres, et surtout avoir été traité, au fond, comme un petit général de brigade qu'il était à l'époque quand il s'est réfugié en 1940 à Londres. Il n'est pas mécontent de pouvoir d'une certaine manière. Bon, ça c'est pour l'anecdote. Non, ce qui est vrai, c'est que l'analyse froide de la façon dont la Grande-Bretagne veut rentrer dans l'Union européenne dans les années 60 rend effectivement incompatible son dessein avec celui de la France, et qui essaye de bâtir un destin commun avec le reste de l'Union européenne. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne. Il le dit lui-même dans sa fameuse conférence de presse de 63. La Grande-Bretagne est une île, nous sommes un continent, la Grande-Bretagne aspire à des relations transatlantiques ou du moins atlantiques, nous devons d'abord nous bâtir entre nous, et puis la Grande-Bretagne est arrogante et dominatrice, parce que c'est exactement comme ça qu'elle se perçoit en 63 et 67, et elle se dit, mais attendez, c'est tout de même le peuple vainqueur qui vient vous voir. Oui, est-ce qu'elle est en même temps, cette Grande-Bretagne, une sorte de cheval de Troie des États-Unis en Europe? Il ne faut jamais oublier que les Britanniques, depuis 300 ans d'histoire, depuis Élisabeth Ière, ont systématiquement, tous les traités que les Britanniques ont signés et négociés sont des traités de libre-échange. Il n'y en a pas un où il n'y ait une clause de libre-échange. Donc, s'il y a bien une spécialité ou une chose que les Britanniques savent faire, ce sont des traités de libre-échange. Et il n'y a pas de raison qu'ils voient l'Union Européenne comme autre chose que de leur façon. C'est-à-dire la façon dont, depuis 300 ans, ils négocient. Donc, effectivement, pour eux, ce qu'ils veulent obtenir, c'est une Union Européenne à leur image depuis toujours, à l'image de l'Empire Britannique, un traité, un super traité de libre-échange. Et ça, c'est absolument pas la façon dont De Gaulle voit les choses. Alors, d'accord, mais ça répond pas tout à fait à la question par rapport aux États-Unis. Est-ce que dans la psychologie politique, géopolitique de l'Angleterre, on a une main tendue vers les États-Unis, naturelle, mais on peut pas l'être en même temps avec l'Europe. Est-ce qu'il y a ça? Il y a les États-Unis et il y a surtout le Commonwealth. Il y a tous ces pays qui, en plus dans les années 60, sont encore très très liés à la Grande-Bretagne. Vous savez que la Grande-Bretagne ne pouvait pas devenir membre de la communauté européenne sans demander son avis à l'Australie, au Canada, qui d'ailleurs ont dit non en 63, parce qu'ils n'y voyaient pas leur intérêt. Donc on a là un triple jeu d'alliance. D'une part, la Grande-Bretagne se voit en intermédiaire absolu entre les États-Unis et l'Europe, entre un pont aussi entre ces pays du Commonwealth qui restent de l'Empire britannique, et il en reste beaucoup dans les années 60, et l'Europe, et elle trouve absolument anormal qu'on lui propose des conditions à cet énorme avantage qui représenterait pour l'Europe, pense-t-elle, que le monde entier est venu s'asseoir à la table de l'Europe. Vous imaginez, par son biais, par son intermédiaire. Alors, quand on consulte, à partir de ce postulat psycho-géopolitique, quand on consulte la chronologie des différentes crises entre les Anglais et les pays membres, on se rend vite compte que les relations évoluent à chaque changement politique, parce qu'évidemment, c'est une démocratie, donc ça change. Hein. Oui. En 1979, dès son arrivée au pouvoir, Margaret Thatcher souhaite renégocier la contribution britannique au budget européen, c'est ce fameux « I want my money back », rendez-moi mon argent. La bataille durera 5 ans, sera remportée par la dame de fer, finalement. Quelles sont les conséquences de cette crise, qui n'est pas la première, mais qui me semble avoir été la plus aiguë? Oui, alors il ne faut jamais oublier qu'en fait, l'adhésion de la Grande-Bretagne à l'Union Européenne n'a jamais été une évidence, même pas pour les Anglais. Des sondages, tout de suite après l'adhésion en 73, ont montré qu'en fait, les Britanniques étaient plutôt partagés, 50-50, oui, non. Et les oppositions sont très fortes, notamment que les syndicats étaient très opposés à l'époque. C'est-à-dire plutôt la gauche était très opposée, mais on les comprend, hein, parce que l'entrée des produits européens de 6 pays européens sur le marché britannique allait forcément détruire les emplois en Grande-Bretagne. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Donc en fait, en 79, quand notre Margaret Thatcher arrive au pouvoir, elle arrive sur un programme totalement, radicalement différent. C'est-à-dire qu'elle présente, elle fait au fond ce que fait Emmanuel Macron aujourd'hui. C'est-à-dire, elle dit, je vais vous changer la Grande-Bretagne de A à Z, et donc, puisque je change la Grande-Bretagne, je change les conditions de son adhésion à l'Union Européenne. Et une de ses marques de fabrique, c'est effectivement la violence des négociations. Vous savez ce que disait Mitterrand d'elle, hein. On va l'entendre tout à l'heure. Ouais. On va passer une archive là-dessus. D'accord. Continuez. Très bien. Et donc, elle change ses conditions. Parce qu'une partie de sa campagne était justement le deal que nous avons obtenu avec l'Union européenne est beaucoup trop faible. Nous sommes rentrés comme l'homme malade de l'Europe. Moi, je vous apporte une Grande-Bretagne forte qui donc négocie fortement. D'où son comportement, bien sûr. Alors, tout au long des années 80, donc les différents gouvernements britanniques s'opposent aux avancées institutionnelles et aux politiques communes. C'est le côté « j'ai un pied dedans, j'ai un pied dehors » qui a exaspéré tout le monde. Hein. Mm-hmm. En juin 85, les Britanniques refusent de signer les accords de Schengen. Pour la question monétaire, même son cloche. Lors du sommet de Maastricht, les Anglais demandent et obtiennent une cause d'exemption, l'opt-out, concernant la charte sociale, mais aussi au sujet de la monnaie unique, enfin pour tout. Bref, s'ils le souhaitent, les Britanniques pourront ne pas changer de monnaie. Alors, je vous propose d'écouter la réaction de François Mitterrand à ce choix, lui qui était si attaché à la construction de l'Europe par une monnaie. C'est à la fin du sommet, en 91. Le fait que un pays sur 12, ce qui était prévu, n'ait pas pu enrayer la marche en avant de la communauté, c'est à mes yeux un point considérable. Et le fait que les autres se soient retrouvés à 11 sur 12, c'est également un point considérable. Donc, si je regrette, bien entendu, encore il n'y a pas de divorce dans cette affaire. On reste tous dans l'Union européenne et on continuera de travailler ensemble. Si, sur ces deux points, l'un de ces pays s'est absenté. J'ai l'impression que, dans l'état actuel des choses, cela facilitera les démarches européennes. En attendant qu'on se retrouve à 12. Voilà, tout le côté florentin de François Mitterrand. Ça commence par une pique quand même très sévère. Un pays sur 12. Oui, et ça, vous savez ce qu'il disait. Ce que j'allais ajouter, c'est un mot terrible qu'il a sur Margaret Thatcher. Il disait d'elle qu'elle avait la bouche de Marilyn et les yeux de Caligula. Oui, et c'est exactement ça. En même temps, il faut bien aussi, parce que je suis pas forcément là pour accompagner ceux qui pensent que la Grande-Bretagne est une espèce d'éternel, comment dire, empêcheur d'européaniser en rond. Je pensais à un autre mot, mais c'est pas dit. J'essaie juste de vous expliquer quand même de quel point de vue on part. La Grande-Bretagne, quand elle regarde l'Europe du XXe siècle, au fond, qu'est-ce qui s'est passé? Elle y a laissé 750 000 hommes pendant la Première Guerre mondiale. Premier choc absolument épouvantable pour les Britanniques. Absolument sans rien en échange, hein. Et encore aujourd'hui, les Britanniques portent, vous savez, ce poppy, c'est-à-dire ce coquelicot à la boutonnière, mais toute la Grande-Bretagne. 100 ans plus tard, c'est montré que le traumatisme, ça a été pour eux l'Europe dès le départ. C'est-à-dire cette Europe qu'on leur présente comme étant une espèce de cadeau donné à l'humanité, pour eux, ça commence par une douleur. Et puis deuxièmement, vous avez la Seconde Guerre mondiale, et l'Europe, qu'est-ce que c'est pour eux quand ils la regardent depuis leur île britannique? Eh bien, c'est d'une part le nazisme, d'autre part l'allié indéfectible qui, justement, fait défaut, la France, l'Italie qui tombe dans le fascisme, l'Europe, le continent qui se déchire, et eux seuls qui résistent pendant 2 ans. Et donc, quand ils sortent de la Seconde Guerre mondiale, qu'ils ont, d'une certaine façon, de leur point de vue, sauvé l'Europe, l'honneur de l'Europe, la démocratie en Europe, et l'Europe qui est quand même assez vrai. Ce qui est tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Ils estiment avoir droit à un regard un tout petit peu différent. Vous disiez au début. Tout à fait. La racine est historique, vraiment. Je tiens vraiment à l'expliquer parce que c'est très important de le comprendre. Or, c'est à ce peuple-là qu'on fait systématiquement le reproche depuis 1958, où l'Europe, au fond, s'est fait sans eux. Parce qu'en 58, on aurait pu aussi signer ce traité de Rome, en partie avec les Britanniques. On l'a fait sans eux. On l'a fait sans eux, c'est-à-dire sans leur conception libre-échangiste, c'est vrai, de l'Europe. Donc, ce peuple britannique demande des égards, et par ailleurs, demande qu'on respecte aussi son identité, encore une fois, qui depuis 3 siècles, depuis Elisabeth, est une identité, d'ailleurs, De Gaulle le disait lui-même, commerçante, industrielle et libre-échangiste. Et donc, la dimension insulaire, elle compte? Bien sûr qu'elle compte. Elle compte, elle a toujours compté pour la Grande-Bretagne. C'est comme ça que la Grande-Bretagne est devenue une nation maritime, justement sous Élisabeth Ier. La première constatation, le premier traumatisme historique de la Grande-Bretagne face à l'Europe, c'est l'invincible armada. C'est cette possibilité qu'on a eue à la fin de la Renaissance, on est entre Philippe II et Élisabeth Ier, la possibilité qu'on pouvait encore imaginer, même 700 ans plus tard, 700 ans après Guillaume, envahir la Grande-Bretagne. Et donc c'est en réaction à cela que la Grande-Bretagne, ce petit pays qui, au fond, pendant toute une partie de son histoire, a été un pays assez peu peuplé, avec peu de ressources naturelles, entouré par des ennemis, a décidé de devenir une puissance maritime, et ça lui a parfaitement réussi. Quelque chose est un peu plus difficile à comprendre. Mm-hmm. Pourquoi les politiques, là on va parler des politiques anglais, des responsables politiques... On va peut-être passer Élisabeth Ier. Ouais, non, mais puisque le peuple a pour le coup cette réticence par rapport à l'Europe, qui s'appelle quand même communauté économique, et on voit bien que le dessein de l'Europe, même si l'Europe elle est créée pour éviter les guerres, c'est quand même la première motivation, on voit bien que c'est une construction économique, ça devrait plaire aux Anglais, c'est ça que je ne comprends pas. Non, parce que c'est une construction économique qui n'est pas libre-échangiste, et elle le devient au fur et à mesure, c'est-à-dire que c'est ça qui est fascinant, c'est que plus la Grande-Bretagne s'éloigne de l'Europe, de l'Union Européenne, moins elle a de raison de le faire, vous avez raison de le souligner, c'est-à-dire que en 73, quand elle entre, effectivement, la construction européenne, c'est vrai qu'elle a de gros problèmes économiques, mais la construction européenne telle qu'elle s'imagine n'est pas du tout une conception libre-échangiste. Hein. La PAC, par exemple, la politique agricole commune, c'est une politique... C'est vrai que c'est planifié. C'est presque un plan quinquennal. Ça, vous avez des prix fixes, des quotas de production, des choses que les Britanniques détestent, par nature et par conviction. Il en va de même pour le charbon et l'acier, il va en de même pour tous les programmes économiques de l'Union Européenne. Donc cette Europe-là, dont ils ne veulent pas, ils ont à un moment, stratégiquement, en 73, essayer de le contester de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Voilà. Et c'est ça qui se passe. Alors, François Mitterrand a parlé de Margaret Thatcher tout à l'heure, mais enfin, celui qui a dû se frotter à la réalité des difficultés politiques, c'était Jacques Delors, président de la Commission de Bruxelles. On va écouter un extrait d'un entretien qu'avait accordé l'ancienne première ministre britannique, Margaret Thatcher, à Jean-Marie Cavada, où elle revient sur ses relations précisément avec Jacques Delors. Madame Thatcher, que pensez-vous de Jacques Delors, dont vous dites dans votre livre qu'il est intelligent, mais dont je pressens, à la façon très pointue dont vous écrivez, qu'il vous agace? Monsieur Jacques Delors is very able. Monsieur Jacques Delors est un homme très compétent. Sa compétence va dans le sens d'un accroissement de la bureaucratie et d'une irresponsabilité aux dépens de la démocratie. C'est un homme qui aime acquérir de plus en plus de pouvoir et de moins en moins de responsabilité démocratique, ce qui est en contradiction flagrante avec tout ce en quoi je crois. Il est apparu que 80% des décisions économiques et sociales allaient être prises au Parlement européen. Ce n'est pas juste, elles doivent être prises à Paris, à Londres, à Bonn. Nous sommes des démocraties. Il y a 17 commissions. Et ce ne sont pas des démocrates, ce sont des bureaucrates. Et ils ont un monopole en ce qui concerne la proposition de législation pour le marché commun. Ah, bah mine de rien, Margaret Thatcher met quand même le doigt sur l'un des grands éléments du grand malaise autour de l'Europe, la bureaucratie, le déni de démocratie. Elle met le doigt dessus. Le fédéralisme, elle met aussi le doigt dessus, la bureaucratie, le manque de démocratie au sein du... Tout ça est parfaitement injuste. Hein. En fait, qu'est-ce qu'elle reproche à Jacques Delors ? Elle lui reproche d'être fédéraliste. C'est-à-dire, elle lui reproche d'être exactement ce quoi vers tant l'Union européenne depuis le début, c'est-à-dire, vous aviez raison de le souligner, avant tout un projet économique, mais aussi, par le biais de l'économie, une espèce de fédération, de confédération, ça, on peut jouer sur les mots, oui. Des États de l'Union. Donc, elle lui reproche trois choses. Elle lui reproche d'être fédéraliste, d'être français. Vous savez ce que les Anglais disent toujours, always blame the French. Ça marche toujours. Donc, toujours accuser les Français. Et ça permet de se sortir de toutes les situations. C'est un dicton là-bas. Écoutez, ça donc, ça marche toujours très bien. On va bien partager. Hein. Donc, français, fédéraliste. Ouais. Et puis, elle lui reproche tout simplement d'être Jacques Delors, c'est-à-dire d'être un social-démocrate européen. C'est encore pire qu'être fédéraliste et français. Il est social-démocrate. Le parti qu'elle déteste par nature, puisqu'elle est elle-même extrêmement conservatrice. Est-ce que ce n'est pas tout ça l'esquisse de ce qui deviendra plus tard le Brexit ? Mais exactement. En fait, il y a, on a pendant toutes ces années essayé subrepticement d'entraîner la Grande-Bretagne vers autre chose que ce qu'elle est. D'aucuns, moi, dont je fais partie, pensent que c'est plutôt une bonne chose pour elle et pour nous. D'autres pensent que non, qu'elle doit résister à cette espèce de... que son destin est ailleurs. Que son destin, c'est encore une fois à choisir entre l'Europe et le large. Elle choisira toujours le large. Son destin est de nouer des alliances avec d'égal à égal, ce qu'elle ne pourra plus faire malheureusement, mais enfin d'égal à égal avec les États-Unis, éventuellement avec les vieux pays du Commonwealth. Il y a une chose qui est très importante à comprendre pour la Grande-Bretagne. Mmh. Jamais on ne parle du fait colonial en Grande-Bretagne. C'est-à-dire que en France, vous savez, des dizaines de livres sont publiés sur la colonisation est-elle un crime contre l'humanité ou pas, avons-nous eu tort ou pas. On se pose des tas de questions sur notre empire colonial. Pas les Britanniques. Pour eux, qui ne se sont jamais vraiment impliqués non plus personnellement, hein. Enfin, je veux dire, leur population ne s'est jamais impliquée dans le fait colonial reste une chose d'empire, une chose qui est liée à Victoria, à la gloire et la grandeur de la Grande-Bretagne. Ça change tout. Ça change le regard qu'un peuple a de lui-même. Et pour eux, il n'y a pas de problème à revenir à cette grandeur coloniale. Anthony Bélanger, une dernière question. On parle du couple franco-allemand. On a bien compris que le pivot de l'Europe, si l'un des deux faisait défaut, hein, la France ou l'Allemagne, l'Europe serait très mal partie. Quel sens ça a, ce couple franco-allemand ? Est-ce que les Anglais, ça ne les a pas heurtés, ça, quand même ? Ce qui est, faut toujours souligner, c'est qu'en fait, effectivement, le couple en franco-allemand, non, ce qui va beaucoup nous manquer, c'est le couple franco-britannique. Parce qu'on quitte la Grande-Bretagne, quitte l'Union Européenne, mais la Grande-Bretagne, grande puissance militaire, la Grande-Bretagne, derrière laquelle se planquaient beaucoup de petits pays d'Europe qui voulaient pas fâcher l'Allemagne, fâcher la France, mais qui en fait pensaient exactement comme la Grande-Bretagne, va beaucoup nous manquer. En fait, cet épouvantail-là dans l'Europe va beaucoup nous manquer. Et puis, cette armée-là, capable de se mobiliser comme l'armée française aussi, va nous manquer aussi. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le destin européen du Royaume-Uni, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Merci à Ronan Mahé qui était à la technique aujourd'hui. J'en profite puisque nous sommes vendredi pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Jeanne Maillard, Adrien Mora, Jean Bulot et Adrien Cara. Attaché de production, Valérie Priolet. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Voix Damien Prévost, Philippe Pirard et Julien Large pour les lectures. Réalisation cette semaine, Hélène Bizio et Coy Nguyen. Et j'en profite pour vous conseiller une série qui s'appelle Years and Years, une série d'anticipation qui montre une famille britannique jusqu'en 2032 et qui montre toutes les préoccupations d'aujourd'hui et de demain dans lesquelles le Brexit joue un rôle essentiel. Cher Antoine de Caunes, le Brexit est-il pop? Mais oui, and the legend goes that you are very much interested into the Brexit, is that true? Yes, I am. Yes, you are. I'm interesting. Yes. And you are fluent in English, as I see. Yes, I love United Kingdom. Thank you very much, Fabrice. Eh bien, nous aussi, on va parler du Brexit avec Stephen Clark et Paul Taylor à travers le prisme de la pop culture. Eh oui, à tout de suite, Antoine. À tout de suite.